salama masalan téré ndjegu yi nga xamantene dañ koy téré manam yu comme yu demé nek ay instruments musicaux yi par exemple instruments musicaux yi xam nga mëno ko jaay mëno ko jënd en fait da kon ce qui veut dire que kenn mënu ko mom guuy tax wala manam ñu koy nga ci mëna nga koy mëna jaay wala nga koy mëna jënd suñu xolé yu mel nonu yeen ci salam par exemple dafa bokk terrain do dafa bolé terrain do par exemple un med ku jaay med ku jaay xaj hein ku jaay hein xërum wala asnam waxay xërum amna benen deret ak deret par exemple yoy buñu xolé yi ñu bokk day gis ne sabru wa taqsim moy mané buma sété légui ñoom yi lañ bok mu ñëk xol né le fait que ñu nek ay animaux wala provenance animal mané ah ki de dana bax mom mëd dé c'est que luy dundul motax provenance animal la kon ah waaw kon loolu motax mais ma xol yenen yi ci dess mané xaj waaw xaj de animal la motax ma xol lan deret mané deret dé lol la mom ma xol xërum mané ah xërum nak amna fa problème kon du lolou motax kon du li liñu bok li motax ma xol benen cause bu wara tax mané xeyna kon sobe la motax kon xeyna sobe la mané na xol med du sobe la waaw sobe la kay mané lan deret sobe la le sobe la kay mané lan xaj han xaj jëmmu ji du sobe mais dafa am sobe ak maana gu ci nek lool moy waxu maliki rahmatullah alayhi legi waxu ñan ñu ci ñan waxu jumhur moy sobe la gonong ñu ne kon deug la wa kon nañ jël sobe gi ñu ne xërum sobe la wala du sobe xërum jëm ji du sobe ga mais amna sobe ak maana gu ci nek comme l'alcorane wax waj tani bu rijj sax minal awsan manam moy tandiku len sobe ak xërum manam xërum nga bi nga xamne mom sobe la wa yeen ñi day fofu day kumbu na genn xéetu kumbu go xamne bokku te xéetu kumbu gi mu daan kumbu de damay ragal ne mak ñe mo ala kulli hal legi kon xërum daan ben xéetu sobe amna xéetu sobe moy rek sobe ak maana ji legui buma xolé yepp kon dama nan ah wa kon sobe motax kon ci kaw lol damay comprendre ndekete sobe ken du ko jaay yaangi deg gison nañ ko pour ñu delu ci wat legui vite fait gison nañ ko ci hadith pour mu gëna leer inshallah moy hadithu wëñ bi ban moy hadithu wëñ bi okay moy lan la wax hadith bobu lu mu wax ben amna ñaari laf ben laf bi amna ki sobe ben gam la sa wa okay mais lan la ndike dani bu weñ dabbe sen ki ndox wa okay na ngeen ko okay men ko soop ci bir après ngeen dindiko sanni ko moy kon duñ ko lekkale wala bok même buñ ko lekkale sax de toute façon du yak du def effet ci lan papa du def effet ci lan lek voilà du def effet ci lek parce que boko dougalé par exemple ci café day dé wala hein mais téréwul boko sané du sobel café bi mën nga ko nan et cetera donc yoy nonu kon ak njireel njireel tamit ñu xamna dagal na légui tay buma xolé ñaari hadith yoy ma gis né njireel med la bu med hein moy souterrain ah criqué criqué moy buñ baré wa xama souterrain moy benn bi buñ baré moy criqué voilà ah comme buñ né sotantal moy benn buñu baré moy njireel voilà légui légui tay suma né légui njireel yi ak lan ak wéñ buma gisé ni ñom ñaar ñepp gis na ni duñu sobé buñu méddé ma xol né lan lañ wara bok lool moy asabru wa taqsim moy man damay jéma xol lan lañ wara bok les similarités voilà lan moy li nga xamné motax ba buñu méddé itam duñu nekk lan sobé duñu nekk sobé légui mané bon je vais voir est-ce que liñu bok moy ñom sétlu na ni ñom ñaar ñepp dañuy naw wala bok sel nan ñom ñaar ñep ay animaux lañ ñaari xet animal lañ mané kon lool lañ bok le fait que ñu nek animal mais bu boba aussitôt damay téla gis né du lool parce que xamna né par exemple mbam xoux day nek lan sobé damay gis né tamen que ni par exemple xar bu déwé non naturellement day nek lan sobé kon damay xam né du lool ma déllu wat mané kon xeyna liñu bok moy le fait que ñom ñaar ñep ñuy naw mané ok légui na xol ñom ñaan ñep luy naw la bobu day naw nangam waaw c'est vrai day naw mané ap ramatu day naw ramatu par contre wala am pitax day naw égul day naw voilà mais ñoñu est-ce que buñu mëd jël est-ce que buñu mëdé dañuy lan nek sobé ma gis na ah do def ñoñu buñu mëdé dañuy nek sobé comme ñoo buñu mëdé dañuy nek sobé kon le fait que ñuy naw motax ma jall ci benen affaire moy mané remarquer na né ñom ñaan ñepp amuñu dérèt guy wal comprendre nga exactement lool moy as-sabr wa taqsim buma gisé ni ah exactement ko li lañu bok ma xamné ah ok ko li lañu bok ma daat ci xamé ni kon parce que hein ma daat ci xamé ni kon ndékété limité kon ci lay jëlé benen règle bu may jariñ moy loolu lañ doon wax moy mala damala ho sa ila moy expression bobu nga xamné Ibrahim an-Nakhai rahimahullah moko ci ko manam expression bobu mais moy lu amul wala mala nafsal ho sa ila lu amul deret bi wal ndekete loolu mom moy lan ndekete loolu kon du sobé ndax dama koy xamé ci ñaar yi lool moy as-sabr wa taqsim manam lool bokoy xol ci atté day bari lool mo motax xéet la ci xéetu qiyas mais bu gëna pousser encore bu jar manam ap réflexion ak intelligence bu gëna kawé tout voilà c'est là hein voilà expérience yag xam ba paré xam tamit atté yu bari yo xamné da damay gis ni ah d'accord li il faut moy xam tamit yan lañuy téré yu bari manam pour mo meun def lolu ci lu ne il faut mo am une culture bu poussé ci affaire yi voilà wala bokk na ci gëna jafé appliquer voilà bismillah wala benen règle moy at-tahrim yujibu an-najasa voilà lo xamanteni dafa aram day wogal sobem waaw waaw bismillah deul deul deul mama mama mama moy lu aram rek day waral ab sobem comme ni sahaba yi comprendre won ki hadithu sayyid maymuna radiyallahu ta'ala anha que med ab sobe la med dafa haram donc dafa sobe wu di ko ñom lool lañ comprendre won bay jël xar bi don ko sanni ji xamna certainement ci semi parce que ñu sobe wu mom kër sax dekk mom et tout et dañuy gis ni également tamit an najas yujibu tahrimu également tamit lolou tamit mën nañ ko gis que moy nek corollaireu règle biñu jëk wax légui lu sobe wu da fay waral haram lu haram également tamit day waral sobe légui benen règle bi stop moy as sunnatu tukhassisu alquran c'est à dire que sunna day particulariser alquran comme niñ ko gisé également tamit ci premier hadith moy hadith abdullah ibn abbas bi wax ni iza dubiha al-ihab faqad tahura alquran dafa wax ni lu med sobe la hadith bi mo ñew particulariser que li sobe wu kat amna parti bo xamanteni mën nañ ko jëfëndiko ci mom wala mën nañ indi également tamit wa benen hadith ray hadith bo je pense que dina def seug avancé na té wa bismillah ya gal benen règle bi stock moy ma fomu charte moy phrase conditionnelle wa ci ma fomu mukhalafa yi la bokku ya def phrase conditionnelle moy jumla ta charte ya ma fomu charte du dara ludul suma waxe ben wax mu dig ba pare wax joju nek une phrase conditionnelle voilà mu nek jumlatul charte mu nek phrase conditionnelle may comprendre à travers lolu manam ma comprendre à travers lolu ne condition bi su remplir kon phrase bi fi muy tuddé moy jawabu charte bi hein parce que jumlatul charte ya phrase conditionnelle bo len gis dafa am ñaari partie dafa am luñu tuddé charte am luñu tuddé jawabu charte moy dafa am condition bi am réponse à la condition boudé mën nañ ko waxé non moy suite à la condition moy suite bi moy buma né charte bi li la suñu wulé der lolu condition la suite condition bi moy dafa dadi lap résultat bi da wa moy résultat bi hypothèse bi moy kon condition bi ak résultat bi légui ma fumu charte moy damay comprendre né kon su hypothèse bi remplir wul résultat bi du remplir li la lolou ma fumu charte suñu wulé der da fay dalé la kon limi tek moy suñ ko wulli wul du la lolou ma fumu charte Voilà. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a moy texte bu leer ken du lan bayyi xel mafhum bi manam liñu déggé ci ginnaw wala lam yul dafa elé dédé ken du delu ken du ko bayyi xel mom ci bokkum yaangi dégg qiyas moy lan moy qiyas voilà leg moy lan léegi dama bëgg na léegi ngeen wax ma lan lay tekki concrètement xiyas moy benn situation xew waaw ci jamono yonent bi situation xew tay 2013 nga mëna def lien bi ba tax nga génné até bi tax no yow ba tay joxoma définition bu tax ma mën ko xam xiyas moy mbir am waaw ci xamul activité ko na sunna waaw waye nga dadi defni ko yeen ak yo xamne xamna jige ci wo afalal suma ci ci batte raisonnement par analogie wa moy lan raisonnement par moy lan ko lu mu wax ni moy bye moy Moussa non la wala suma suma amé wa exemple suma amé wa su amé lan suma amé ñaari situation A ak B OK situation A ma am ci texte bu clair voilà Voilà. Situation B, awuma ci dara. Voilà. Allez, mën na xol à partir de la situation A ci texte bobu. Voilà. Xol ba xam mën na ci am résultat B. Voilà. Donc adu comme li nga wax, mais il faut affaire bi baña xew ci jamono yenen tibi. Salalahu alayhi wasallam. Mbir bi mën na fa xew sax, mais amuñu atté buñu mëna permettre ñu xam loolu lan moy atté. Li gon qiyas moy loolu. Moy ilhaq far'in bi aslin li wujudi 'illatin jami'atin baynahuma moy dajale gi ni dajale ciosa manam djel bi ni djel ben manam ramification ñu han branche ñu dem ba yobbu ko ci ci ciosanam ndax lan ndax kous bo xamantene mo len dajale ñoo ñaar lolay xiyass donk lool moy qiyas leg comme li Mawlana Abdou Aziz wax leg bim nan a suma amé élément a def ko ciosan ndax dama xam até sharia yi ci tout de manière claire ma am élément lan b bo xamantene xawma até sharia yi ci aju ndax awma texte yu leer yu mako meuna wax legui man ma jël element b bi dadi xamne comme mo element a ñoo bokk cause yu leen lié bu boba ma dagale leen ma bo bolé leen acte bi nga xamantene mom lañu yox baxna wala leer ha leer na mer leer na leer ma répété wa suma amé ben élément a mu leer mané élément bobu sharia leral na ma ci atté ñi wax ni tane mom la ci wara am mais xamuma mais ma yor benen élément b bo xamantene xamuma atté sharia am parce que amul texte bu leer bu ci ñew légui ma jël élément b bobu gis ni mom ak élément a bi ma sét parce que damay xol b bi yeen élément le nourol ci sharia yi mu leer man non lay procéder mo bëgg xiyass damay xol ne man element b bi ma am kat awuma até mais ndax mom ak element c d e f g h i j et cetera ñom ban la ci nourol ak a bi ban la ci nourol ay cause donc ñoy bok ay conséquences aussi donc mais buma xamé ban la nourol cause rek ma bolé ko ak bobu dandi kon yi la ñoo nuro kon loloy qiyas ce qui veut dire que cause bi comme mom moy tax parce que dafa am li tax qiyas meuna juste moy dafa am benen mbir tamit benen règle buy wax nan al hukmu yaduru ma illatihi haythu dara wujudan wa adaman manam règle ab acte jugement day tourner di and ak cause fu cause bi weur rek fa lay dem manam moy lan moy su cause bi su fi nekké acte bi nek fi su fi cause bi dako acte bi day dako comme tay par exemple bu mané ki kat dañ ko tek infraction dañ ko tek lan hein dañ ko tek amende parce que dafa def infraction infraction bi loi bi da koy téré mo motax kon ñu tek ko amende sangam suma gisee ni amna yenen yo xamantene nit ki su ko defé ci la koy manam mo bi dañu nuro infraction même bu dé loi bi statué wu ci damay daadi mëna lan damay daadi mëna bu jël li bolé ko lé parce que ñom ñoo nuro même infraction bi la wala même cause yi lañ bok manam ba paré ño tolo doole lool mo moy qiyas manam may jël li diko bolé ak lé parce que dañu nuro dañu am yuñu bok lool mo moy qiyas lu béré béré ci acte sharia nak bo maîtriser wul qiyas do ko man surtout yu événement yu bési événement yu bési mo il faut nga man nga xam bu baax lan moy qiyas ak nan lañ koy han nan lañ koy defé yan condition lañ koy appliquer yan condition lañ ko dul appliquer légui nak suñu règle bi nga xamantene mom lañ wara gis monam moy bi ni suñu règle bi ni lan moy mbir mi moy né qiyas su fekkenté dafa nek dafa opposé wu ak texte bu clair kenn duko bayyi lan kenn duko bayyi xel mom moy suma amé ak element A ma am element B ñom ñaar ñep element A ak element B yep am texte yu leer yu ci wax am texte yu leer yu ci lan wax yu ci wax kon benn bu ci nek xamna lan xamna atem ndax lan ndax texte yi dañu leer mais même bu fekkenté né dama xol né ñom ñaar ño bok ay cause sax doko mako bayé ci xel parce que lan parce que sharia statue na ci ba paré manam kon qiyas fi mu mëne nek moy ci lo xamantene lan sharia statue wu ci mais buñ ci xëssé ba statue mënutuma def qiyas ndax lool dootul manam dootul amati sens bang lool nak mu muy indi parfois lu ñu tuddé lek lek ci yenn kay qiyasu shabah lo tam ben kir la moy buma xolé mbir mo xamantene sharia dafa statuer ci li statuer ci le mbir mi nak xaw lu ñaar yépp loolu qiyasu shabah lool tamit fo nga ñaw xel pour mën ci genn parce que comme par exemple exemple bu simple moy buma gisé ni nit ki su amé jammam par exemple jamm bi dem yak tolu jammam kan moy fay wala xalé xalé nit ki bu amé domam dom bi dem hein djel yofi tolu jambour yo yofi jambour kan moy fay wala bok dom ji tok para brisu auto jambour hein ba pare am alal djum ko fayé motax ñuy wax sino bu amul alal djum ko fayé mom c'est sûr que papa ñay mu djofay mais su fekkante ne amul alal djum ko fayé amna alal djum ko fayé yoyep kan moy fay wala bok du domam mais tuteur nit ki par exemple yu def ko kat ko soulax tel duñ ko sax mu dem yak yu fi jambour yak auto bi wala mu yak tolu jambour wala en tout cas mu togn wala bok mu ray nit tout simplement xalé la domu jambour la xalé la xalé bi dem na ray nit li lolou li tax qiyas shaba lolou lan moy atem lolou mom qiyas shaba daf ci am solo lolou ci ngay xamé pour ñu jël kaayo wala bok mu tour batu jambo xala bi tour na batu jambo bu ñuy fayé ko ci kan la ñu fayé ko bu ñuy fayu voilà légui ah lolou nak motax qiyas shaba am solo parce que lan motax xala bi di nek problème lu problématique parce que xala bi dafa nuru manam dafa nuru animaux yi ci ben côté moy xel mi matul parce que nit ki tay par exemple bu am xaram demé rour tolu jambour wala mu mbeuk para brise auto jambour ba mu toj ak yu mel nonu borom moy fay borom moy fay boudé hein des jam wa jam ak xalé bi ñoo nuro non non wa mais hein voilà mais xalé bi voilà c'est à dire que xam nga jam mom tamit mok animaux yi dafa am côté buñ nuro wé moy côté dañ leen di mënd di jaay ak di leen jënd di leen mom donc côté bobu ñom tam dañ ci nuro ak animaux yi ñom amuñu seen responsabilité bop dañ leen di tout temps dañu nek sous tutelle kenen ko xamantene moy nek seen responsable côté bobu ñom ak xalé yi ak animaux yi ñu nuro mu am côté bo xamantene jam nit la parce que nit la tamit daf ci nuro mukallaf ndax jam bi dafa nuro kan mukallaf bi parce que jam même bu fekente ne dañ ko mom par exemple julli day nek lu war ci mom koor bu joté day war ci mom dañuy téré par exemple musat hein day téré muy ndialo dañuy téré muy nan sangara et cetera donc jam côté bobu mom tamit dafa yor ko légui jaam bi def na li kat manam ci kat ci ban côté lañ koy yob dañuy gis né dafa nuro ak animo yi ci côté bi mais dafa nuro ak nit ñi côté bi fan lañ koy yob bu dé dafa yaq yuf tolu jambo kuy fay bu fekkenté na dafa comme xalé bi rek bu fekké bu boba lolu mom motax moy lolu mo lay xiyasu shaba parce que dañuy gis né jaam bi même bu fekkenté na xam nga motax bu xalé bi sax dañuy wuté atté bo xolé manam comme bu démé yaq tolu jambu rak yoy xam nañ ni ki mature na moko tay def ko bu boba kan moy fay han kiko mom non bu dédé mom moy fay mom jambi parce que mom xamna parce que amna mesure meuna nat c'est à dire que le fait que côté mukallaf bi moy dominer ci atté bu mel non bu rayé nit mom lañuy ray comme xalé bi rek bu touré batu jambu buñu démé bay fayé ko kenn du fayé ko ci bayyi xalé bu touré batu jambu mais kenn du fayé ko ci bayyi c'est pas parce que moy papa ki moy papa am rek kenni dañuy tour batu parce que sa dom da tour batu jambu maintenant bu fekké né dafa endommager bien nak bu boba nak bayyi bi moy fay parce que fofu da bu gëna jégué animaux yi voilà manam c'est à dire que donc tout dépend ci ki bi lo tax qiyasu shaba bok voilà ay kala yo xamantene kala figure yi gëna jégué wala té dañ koy sét da fay dépendre ci ay mbir yu bari légui lolu mom motax hein voilà yoy yep mom motax ñu nek ay mbir yu ay mbir yo xamantene simple wul comme manam simple wul torop yoy tamit day laaj am xel mu ñaw mom ak sabr wa taqsim biñ doon wax sank ñom ñaan yep day laaj xel mu ñaw wa day laaj xel mu ñaw te day laaj tamit manam nit ki am ben vision bu large ci acte yi manam mu am ben prérequis dal ay voilà acquisition de connaissance yu doy yu solide voilà pour mu meuna am pour mu meun bi statuer ci yenn ki wallahu a'lam côté jambi ndax jam boudé dafa endommagé fi jambo ñu né mom moy fay est-ce que le fait que mom amul lu mom comme amul lu mom waaw est-ce que du ñëwaat rek comme xalé bi mom kiko mom moy fay rek waaw manam comme que jambi effectivement limu wax xam nga jambi amul lu mu mom donc ce qui fait que ni jambi mom alalam maîtram moko mom manam kon manam c'est du pareil au même en fait wa comme ni nga wax jazakallah khairan barakallah mais bu fekkante ne comme tay par exemple xam nga jambi motax alalam tout temps day delu ci kiko mom wala ci kiko jënd tout temps manam même boy jënd jam sax da ngay jëndale alal day alal di da ko topalé alal di da ko topalé su fekkante ne préciser wuñ ko wala comme ni nga wax la wallahu a'lam légi su xalé bi yaqé bëttu jambo bay bi du fay lool leer la légi kan la fay wala non xalé bi tamit du fay non parce que xalé du mukallaf motax kenn du ko mëna tek sanction bob mais dañ koy tek ki manam kenn du mëna tour bëttam mais dañ koy tek ay daan bu fekké nak mom amna alal comme limo wax sank amna alal jo xamantene mom la meuna fayé bu boba alal bo moko jël comme tay par exemple budé njirim la ay bi na dafa dugal waxam voilà legui legui comme cadre figure bobu légui cadre figure bobu njirim bi comme njirim bi nga xamantene par exemple ki dafa dé bayyi fi dom ji ñu bayé ko alal ñu jël ko dox ko mu doono alal ñu jël ko par exemple dox ko ben way modu yar boy bi dem yak beutu jambour buñuy fay den dommage ci alalu boy bi lañ koy jël kenn du ko jël ci alalu modu wala ndax xale bi yorna alal du ko fay par contre suko yorul won nak modoy fay parce que modu moy tuteuram ki bi metti na da Mais de toute façon, alors que tay bu don par exemple yufi jambour rek la yak ken duko fayé non dañ koy meun nuñ ko dañ koy fay ci manam tuteuram mo koy fay bokut ak li nga xamantene mom ay par exemple ay dommage la yo xamantene nit ki quand même dafa gëna responsable parce que lool dafa gëna responsable lan moy yak moy lu jëm ci yaramu nit surtout ay ray nit tour beutam dag loxom ak yu mel non baxna kon hadith bi jeexna ok tabarakallah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi jazakallahu khairan subhanaka wa bihamdika wa salamun ala rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin ye da fek rumal sangal ni meul kat la khiyaf dedet lolou du khiyaf dedet lolou atta la le ki la hadith la hadith d'accord wa